Avec les Stranglers, Golden Brown, début des années 80, un groupe interdit de concert à vie à Nice parce qu'ils avaient demandé au public de tout casser, sauf que le public avait suivi des faits. Ah ben non, mais carrément, ils avaient mis en œuvre ce qu'on leur avait dit. Résultat des courses, gros dégâts et interdiction de concert sur Nice. Pour la petite histoire, voici Vita, on va continuer avec son dernier morceau, ça s'appelle Les choses qu'on fait. On fera le point avec l'info tout à l'heure aussi, un rendez-vous avec la rédaction à ne pas manquer à midi. Et puis je vous souhaite un bel été, bien sûr, et puis bonne pause du midi qui approche pour ceux qui ont repris aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Cassis. Allez, merci d'être là, Cassis, avec Slimane Capéo maintenant. Midi, toute l'info. Cassis Info. Bonjour à tous. Le Burkina Faso et le Mali affichent leur solidarité à la junte militaire au Niger. Une délégation commune aux deux pays est arrivée à Niamey ce matin, une dizaine de jours après le coup d'État. Hier soir, l'ultimatum lancé par la CEDEAO a expiré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menace désormais d'intervenir militairement pour libérer le président élu Mohamed Bazoum. Une intervention qui dépend également de plusieurs forces occidentales, comme l'explique Olivier Vallée, économiste spécialiste du Niger. Les États-Unis et la France ont un poids important. Joseph Borrell est le responsable des relations extérieures de l'Union européenne, est également quelqu'un qui est ouvertement partisan du rétablissement par la force de Bazoum. Donc cette opération va dépendre des pressions de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. D'un autre côté, il y a aussi tous les débats internes à la CEDEAO. Il y a des partisans de l'action armée et d'autres qui mesurent toutes les

Major Lazer sur Cassis. De 10h à 13h, c'est Ronan sur Cassis. Et voilà, voilà, encore un bon moment à passer avec vous et bienvenue en ce début d'après-midi. Alors, parmi les rendez-vous que vous connaissez bien, nous sortirons tout à l'heure en Côte d'Or pour aller nous balader ici et là, retrouver ce qui se passe près de chez vous. Pendant ce temps-là, je vous rappelle aussi les bons plans à ne pas manquer, des bons plans que vous retrouvez directement en ligne. Vous allez sur le site Cassis et vous trouverez l'agenda. Voilà, il suffit de consulter ce qui se passe près de chez vous ou peut-être d'ajouter un petit quelque chose d'ailleurs que vous voudriez faire connaître. Voici Sam Smith avec Too Good at Goodbyes sur Cassis. Cassis, votre radio locale. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance.

et puis des groupes locaux. Showcase Cassis le 24 août dans les jardins du département de la Côte d'Or. Un grand rendez-vous Cassis à ne pas manquer. Voici YouTube cet après-midi. Tonight in the tears you're crying. partir en Côte d'Or avec ce d'hiver, spécialiste miroiterie à Dijon depuis 1965. On profite toujours encore de Dijon Plage, un programme qui continue donc pour cette édition 2023 et ce lundi aussi évidemment. Des rendez-vous pour faire du stand-up paddle, retrouver des baignades surveillées et puis un programme d'animation chaque week-end bien évidemment. Tout cela continue jusqu'au 26 août, on en profite. Des rendez-vous avec demain mardi de 21h à 22h vers les Halles Musicales 2023. C'est populaire, classique, musette, folklore, chanson, tout le monde sera de la partie. Rendez-vous donc encore une fois ce mardi 8 août, cette fois-ci avec du piano et Julien Blanc, rendez-vous immanquable. Belle semaine avec Cassis. C'était Sortir en Côte d'Or avec Saut d'Hiver. Crédence de cuisine, par douche, porte coulissante, fenêtre, Saut d'Hiver, le verre s'invite chez vous. Saut d'Hiver, 26 rue de Mayence à Dijon et sur sautdhiver.fr. It

darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. But you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you. You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Dermot Kennedy sur Cassis, je vous laisse en vous souhaitant de passer une belle journée. Merci d'être là dans ce mode été, c'est vrai, certains en vacances, d'autres non. Ce qui est sûr, c'est que vous continuez à rester avec nous. Et pour vous accompagner en fin d'après-midi, JM sera de retour à 16h pour terminer ses après-midi. Bonne reprise, hein, si c'est le cas, bon courage. Pour vous laisser le bon son des années 80 et sa new wave avec les Cure. On se quitte avec Boys Don't Cry. À demain, c'était Ronan. About it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I'll break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay. But I know that it's no use and you already gone away. Misjudge your limits, pushed you too far. Votre radio locale. Il est 13h. Cassis Info. Bonjour à tous. Toujours l'incompréhension au Cap d'Agde. Un jeune de 17 ans a perdu la vie ce week-end dans un accident de manège à Luna Park. Il s'agissait d'une attraction de 60 mètres de haut qui propulse les fans de sensations fortes à près de 110 km/h. Une autre victime, une jeune femme, a également été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont plus en danger désormais. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Mais alors, qu'en est-il de la loi et de la réglementation pour la sécurité des manèges, Pauline Saint-Yves? Tout d'abord, il faut savoir que les manèges sont

Can't we get a little

D'autres radios ont blacklisté ces chansons. Blacklisté ces chansons. Mais pas Cassis. Voici la crème de Cassis. Des standards, des nanars, des chansons surprenantes. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Alors montez le son, la crème de Cassis. C'est maintenant sur Cassis. Things you told.